La conscience, mon petit, c'est une voix intérieure qui te dit « Tu ne dois pas faire ça. » Ou bien « Tu dois faire ça. » Y'a pas de soucis, t'es kid smoothie. C'est vraiment cosy, ici pas de poussi, poussi. Tu veux découvrir la brousse, en pousse, pousse. T'as l'octopus, pousse, bah. Nique pas, ne nous excite pas. Prends pas le foot au club pour des mollusques, ou tu crieras. Aïe, un ogre me graille. Tu brailles, je suis comme un loup devant du bétail. La dalle, une fringale du fond des âges. Je deviens anthropophage, j'ai faim. Je dévore tout ce qui me tombe sous la main. En quoi il fit ton sac à main? Si c'est de la peau de vache, fais pas ta pute. Lâche-nous un petit morceau, qu'on se prépare un goulash. Tâche de jamais nous tourner le dos, ou on dévore ton sac à dos. Un son, smoothie sous ma peau. On taille, on mord, on tire, on tord. Dans les buts, on se met une cagoule, on se fait fouetter, machin. Et on peut aller très très loin pour que ça continue à être intéressant. On se fait flinguer machin.